Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Avertissement, cet épisode renferme un contenu qui pourrait peut-être vous faire saigner du nez. Genre... Ben, gadons ça, toi. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et les bières se rencontrent sans bug. Ni glitch. On a fait d'en avoir un autre petit là. Un autre petit. Hey, fait que deuxième épisode de cette nouvelle saison. Ben oui, parce qu'on s'ennuyait de vous autres. Ben oui, puis surtout parce que vous nous aimez, qu'on continue à vous en donner de l'amour. Ben il faut, sinon si personne s'aime, ben c'est plate, puis chacun dort à son bord, puis c'est ça. Dans quel genre de monde vivrions-nous s'il n'y avait pas d'amour? Je sais pas. On n'ira pas demander. Non. Fait que, c'est sûr que nous autres, à la barrique numérique, on essaie toujours d'être dans le feu de l'action et dans la nouveauté, mais il arrive parfois que des gars comme moi, Gilles, oui, est un petit peu en retard sur des affaires. Ben, ça, c'est ce qui se passe avec toi pas mal 95% du temps, mais on se rappellera l'épisode précédent avec Diablo, où est-ce que je jouais à Diablo pour la toute première fois de ma toute vie. Ben, c'est ça. Fait qu'on va un petit peu poursuivre dans cette lignée-là avec un jeu qui est sorti en 2011, comme nous l'a dit un certain téléphone intelligent. Ben ouais. Et on va indulger dans le jeu Portal 2. Eh oui, ce fameux jeu de Valve qui est si culte maintenant. La série qui est là depuis mi-2006. Fait que non, c'est ça. Fait que on aime ça, une belle suite, c'est le fun. Puis ouais. Il était temps que tu y joues parce que oui. C'est un beau petit jeu que vaut à peine. Il y a des gens qui m'en ont parlé. Il y avait plein de belles critiques sur les internets. Fait que c'était comme un petit peu la moindre des choses que je l'essaye. Ben oui, en plus qu'il est sur console, stick, t'as pas de raison. En plus qu'il est sur console, ben tu vois, il est comme ma manette avait trop de pitons pour le nombre d'options qu'il y avait dans le jeu. Ah, tu vois. Mais malgré tout, c'était bien le fun. On y reviendra, naturellement. Ben, il faut. Alors, pour parler de Portal 2, que de mieux qu'une bière qui a à peu près le mot Portal dedans. On a choisi une Porter. C'est à peu près le seul lien que vous allez trouver parce qu'il n'y avait rien d'autre. C'est malheureusement, effectivement, rien que ça. Fait que comme Porter, on a choisi la Gaspésienne de Pit Caribou, qui est une robuste Porter. Donc, une bonne petite bière à 6,2%. Yes, sir. Il y a un monsieur avec une barbe, un chapeau de pêcheur, puis une pipe de pêcheur, René Von. Ben là, ça, tu viens de décrire toutes les bières de Pit Caribou. OK, ben d'abord, si vous voulez la celle qui s'appelle Gaspésienne, là, l'étiquette, c'est la face du monsieur, là, mais comme... Ben brun. Ah, brun et beige. Ouais, c'est brun et beige, là, puis foncé. C'est cela. Alors, je pense on va commencer par le déboucher. Je vais peut-être devoir replacer mon micro parce que je me trouve un peu cambré. Alors, pendant que tu fais ça, moi, je vais déboucher la mienne. C'est bon, puis on va essayer de synchroniser mon cric puis ton pitch. OK, go! Pas tout à fait égal, mais on aime ça pareil. Fait que moi, j'ai ouvert la mienne aussi. Pas d'explosion, c'est un bon début. Oui. On aime ça comme ça. Fait que... Oh, que c'est épais! Ah ouais, tu trouves? C'est comme non, c'est épais style sirupeux. Oh non, t'as raison, ça l'a un petit peu... Une bonne texture. C'est foncé en tout cas. Ça, c'est sûr. On entend tout le petit fils. Moi, je regarde la broue là. Mabuse ou bedon, il y a comme des petites teintes framboises en termes de couleur dedans. Est-ce que je suis fou ou ben c'est juste l'éclairage du garage qui est pas bien bon? Soit l'éclairage de la grange ou t'es daltonien, un des deux. J'opterais pour option 3. Ah, la fameuse option 3, dont on ne parle jamais. Non, jamais, c'est ça. Chin, ben, premièrement. Chin, ben, je crois que ça a failli... Ben ouais, hein? Écoute, première gorgée. Oh ouais. Oh. Oh ouais. Café, caramel. Oh ouais. Velours. Tout en rondeur. Tout en rondeur. Absolument, oui. Et en pesanteur, disons-le. Laisse-moi en prendre un autre parce qu'il y en avait comme un peu de pognon dans ma moustache. Là. Ouais, mais ça, les chips au sriracha ont comme pas aidé non plus. Il y a un petit fond de fort. Tu vois, la première gorgée a servi à nettoyer et maintenant je goûte. Ah, tu vois. Ben, c'est tout aussi bon à deuxième gorgée. Ouais, c'est en tout cas, ça fait commence bien. Entamons donc Portal 2. Portal. Portal, qui est un jeu de première personne puzzle. Ouais. développé par Valve, donc qui ont fait Demi-Vie 1 et 2. Demi-Vie, oui. Et aussi Laissé pour mort. C'est peut-être en fait, Laissé 4 morts. non, tu veux dire Gauche 4 morts 2. Arc. Gauche 4 morts 2. Ouais, ouais, ouais. Gauche 4 morts et Gauche 4 morts 2. Ouais, oh, ouais, ah ouais. C'est ces jeux-là. Ils ont se fait Équipe Forteresse et Équipe Forteresse 2. Vous comprendrez qu'on a eu pas mal de plaintes. Non, hein? C'est ça. Tu sais, le Sugar Sammy, il a rien inventé. Là. Nous autres, on était là avant. Puis contrer la frappe aussi. Là, Oui, oui, effectivement. Il y a bien des tournois de contrer la frappe, là, ça. Oui, c'est oui, bien oui. Populaire. C'est très populaire. Ouais. Donc, Portal, qui est le jeu le plus différent de tous ces jeux de tir à la première personne. Quand même. Parce que là, on a peut-être un. Ce qu'on pourrait appeler un pistolet, style gun, fusil dans nos mains. Ouais. Mais au lieu de tuer des gens. On rouvre des portes. Ben, c'est ça. Mais attention, c'est pas des portes avec une serrure, là. Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non. C'est mieux que ça. Man, c'est encore tellement meilleur que c'est ça. C'est tellement mieux. En plus, il y a des effets, c'est malade. C'est vraiment un portal, un wormhole, un téléporteur. Appelez ça comme tu veux, là. Tu shootes en quelque part, tu re-shootes à un autre quelque part, puis tu rentres dans le trou que t'as fait, puis t'arrives au quelque part de celui que t'as pas rentré de avant. J'aurais dû avertir parce que moi, on s'est indigné. On mettra un warning au début d'émission. C'est ça. Pour essayer d'expliquer un peu l'historique derrière ça, dans Portal 1, on se retrouve dans une espèce de laboratoire. On se réveille là. On sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qui se passe. Mais quand on se réveille, tout est beau, tout est propre. L'air semble respirable. Oui. Puis on vient juste vérifier que nos signes vitaux sont là, qu'on est physiquement apte à pouvoir se lever, marcher. Toi, tu parles du 2. Oui, du 2. Ouais, moi, je te parlais du 1. OK. Parce que je sais que je faisais une recap, puis là, tu m'as comme brisé dans ma recap. OK, ben, recap-cap. Bon, donc, dans Portal 1, tu te réveilles, tu sais pas trop t'es où, tu sais pas trop ce qui se passe, il y a des murs de vitre autour de toi, puis là, il y a un... Tu finis par sortir de ta cellule par un des portals, puis là, tu te rends compte que t'es dans une espèce d'expérience où on fait des tests avec toi pour savoir si t'es capable de passer différentes pièces. Dans ces différentes pièces-là, il y a des puzzles qui vont t'amener à la sortie. Donc, c'est de voir si t'es capable de survivre là-dedans. Puis là, tu te rends compte au fur et à mesure que t'avances qu'il y a vraiment toute une corporation derrière ça avec des plans un peu weird. C'est pas trop clair ce qui se passe. Le backstory est effectivement super bien travaillé. Ouais, ouais. C'est ce qui m'a captivé dans Portal 2. Non, c'est ça. Puis au lieu de faire vraiment... dans Portal 1, de juste suivre les pièces avec des puzzles. T'sais, des fois, tu trouves un moyen de sortir de la pièce. Puis là, tu vois comme un peu le backstory de ce qui se passe en arrière. Puis des pièces cachées que t'es pas supposé de voir normalement. Puis, fait qu'il y a ça qui est vraiment cool. Fait que dans Portal 2, parce que là, on spoilera pas à la fin du 1, mais peu importe, on se retrouve à peu près dans la même situation. Puis on revient à ce que je disais, donc on se fait réveiller, tout est beau, tout est propre. À notre deuxième réveil, là la merde a pogné. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'affaires qui explosent partout, c'est pas trop clair ce qui se passe là non plus. Fait que là, notre but, c'est juste de finalement sortir vivant de ça, d'essayer de trouver ce qui se passe. Sauf que étant pas vraiment au courant de ce qui se passe, justement, on se fait guider par un petit automaton robotisé qui s'appelle Wheatley. Ouais. Fort sympathique jeune homme avec un petit accent british pour les seuls qui jouent en anglais. Ouais. Que moi je ne savais pas. C'est Steven Merchant qui fait sa voix. Si ben, tu dire. Oui, effectivement. Je ne le savais pas jusqu'à ce que je pense que j'ai complété le jeu avec ma conjointe qui a vu ce nom-là. Et il me semble que cette voix-là me dit quelque chose. Peut-être même avant le générique. Enfin bref, peut-être. Toujours est-il que une recherche sur Internet plus tard, on apprenait que c'était le co-créateur de The Office. Non, oh, ouais. Puis moi, ça m'a juste comme fait plus adorer le personnage. Non, c'est ça. Puis il est vraiment bon dans ce qu'il fait. On s'entend, le voice acting de Wheatley, tout le voice acting dans le jeu est absolument malade. C'est ça, on y reviendra. Toujours est-il que Wheatley, il nous fait passer pas mal par ce qu'on appelle un tutoriel. Donc, avancer, courir, sauter, tout ça. Mais au même moment où la cellule dans laquelle on se trouve s'est fait déplacer... Téléphérique style, mais tout pète autour. Puis quand on finit par tomber dans le trou, c'est ça. C'est là qu'on apprend qu'on va devoir continuer tous ces tests-là parce qu'on tombe en plein dans le laboratoire. Exactement. Fait que là, on retourne avec le bon vieux Portal Gun qui sert à vraiment faire les portails qui vont nous aider à passer à travers les pièces. Puis la façon que ça marche, c'est que... En tout cas, sur PC du moins, j'imagine que sur console, c'était deux triggers. Là. Absolument. Mais sur PC, mettons, c'était ton left-click, right-click sur ta souris. Puis dans le fond, tu places un portal qui va être bleu, tu vas placer l'autre portal qui va être orange, ça fait un passage entre les deux. Exactement. Tu passes dans un, tu sors dans l'autre. Fait qu'imaginez être pris dans Ikea, puis tu veux se trouver la sortie le plus rapidement possible. Ah, ça te prend un portal gun, t'as pas le absolument. Choix. Absolument. Fait que quand tu rentres chez Ikea, t'en places un. Puis quand t'es rendu comme perdu dans le coin des enfants, où ce que tout le monde crie puis ça se bat, là, ouais. t'en mets un autre là puis tu sors tout de suite. C'est ça. Ça niaise pas. C'est à ça que ça sert. Ouais. Tu sais, mettons là, ben, je veux dire, ça fait pas sauter le temps par exemple. C'est juste dans l'espace. Non, c'est ça. Tu peux pas vraiment te sauver de ton souper de Noël dans ta belle famille. Ça, tu peux pas. Tu peux passer à travers la cuisine puis la salle à dîner. Ouais. Mais il va quand même falloir que tu sois là puis que tu manges avec eux autres. Non, c'est ça. Ou au pire, tu peux essayer de rester comme chez vous, dans ton divan, mettre un portal, mettre l'autre chez ta belle famille puis juste comme faire acte de présence. T'sais. Ouais. Parce que, tu sais, mettons que t'as pas envie de conduire le 6 heures de route que ça prend pour retourner dans tes affaires. Là. Non, c'est ça. C'est le fun. Oh, ouais, c'est le fun. C'est agréable. Fait qu'en gros, on commence avec un portal, c'est-à-dire une chambre de test relativement très simple. Mm. Mettons, je sais pas moi, 4 murs. Un plancher puis un plafond, avec une sortie sur une plateforme surélevée. Puis on comprend qu'on a juste à placer un portail à côté de la sortie, puis l'autre en bas, puis voilà, t'es là. Mais plus qu'on avance dans les salles de test, plus que les tests se complexifient. Puis ça, c'est la chose que j'ai vraiment appréciée parce que la learning curve dans ce jeu-là est vraiment bien conçue. Oh, oui. Puis tout ce que t'as appris, vraiment, là, littéralement, la pièce d'avant te sert pour la prochaine. Oh oui. Puis ça devient de plus en plus compliqué. Puis on introduit des concepts au fur et à mesure, comme tout ce qui est le concept genre d'inertie puis de vitesse. Que oui. Si tu sautes dans un portal en dessous de toi, puis que tu sautes d'assez haut, ben tu vas sortir de l'autre à une plus grande vitesse que si tu faisais juste tomber dedans. Effectivement. Fait que c'est des trucs de même qu'il faut que tu apprennes. C'est ça qui est le fun, c'est qu'ils ont pas juste mis une bonne mécanique puis en fait démarrez-vous avec ça. Non, en fait comme on a cette mécanique là qui est vraiment solide puis on va commencer à rajouter des affaires au fur et à mesure pour. Puis tu vas devoir non seulement tout le temps réutiliser cette mécanique-là au bon moment, va aussi falloir que tu l'utilises en même temps que tu en utilises une autre qu'on introduit plus tard et une autre plus tard et une autre plus tard. Non, c'est ça. Moi, j'ai eu peur, honnêtement, que ça devienne complexe à un point où est-ce que mon cerveau saigne. Mais c'est ça, c'est tellement fait graduellement que tu t'en rends pas. Ben, tu t'en rends compte parce que oui, les puzzles deviennent de plus en plus difficiles, ouais. Mais c'est jamais trop pour que tu fasses comme OK, qu'est-ce que je fais? C'est de la merde, je suis pogné. Mm-hmm. Tu sais. Il y a toujours de quoi qui est genre un hint en quelque part qui va te faire comme ah, ok, finalement c'était ça, j'avais pas vu genre cet objet là dans la pièce qui va me permettre de placer un portal ou de faire ci, faire ça. Ouais. Fait que non, je trouve que c'est vraiment bien dosé, c'est pas frustrant. C'est sûr que si vous êtes pas une personne de puzzle en partant, vous allez haïr ça pour tuer parce que ça reste des puzzles. Au bout de la ligne, là, ça a beau être genre un first person, mais c'est pas un shooter, c'est vraiment un jeu de puzzle. Effectivement. Puis dans mon cas, c'est ça que j'allais dire, j'avais peur parce que je me pensais pas nécessairement un joueur puzzle. Ça mais prend de la patience. J'ai développé, je pense, cette patience-là, mais c'est surtout cette volonté-là à vouloir sortir de la pièce puis à vouloir le trouver, la maudite solution. Ouais. Puis il y a un élément de fierté qui vient à la fin de chacune des salles, surtout quand t'as juste gossé un petit 5 minutes, là, pis comme tout d'un coup, tu l'as le moment Eureka, là. Oh, t'as trouvé c'était quoi. Non, c'est pis, ça. Pis des fois, tu gosses tellement trop, là, pis c'est plus simple que ce que t'essayais de faire, la solution. Ben oui. Oui, je pense qu'on devrait se servir de ce jeu-là dans des écoles primaires, peut-être, juste pour aider à la cognitivité des jeunes et ah, tout ça, parce que ça, c'est bon. Y a clairement quelque chose dans ce jeu-là qui aide qui aide ton cerveau à finalement juste être un meilleur organe dans ton corps. Ouais, clairement. Puis c'est ça, au fur et à mesure que ça avance, comme je dis, il y a des nouveaux concepts qui sont amenés. Éventuellement, ce qui est nouveau aussi dans Portal 2, c'est les gels qu'on peut utiliser pour. Commençons par le début, là. On a juste des portals à placer sur des plateformes. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y a des lasers qui rentrent en ligne de. Non, c'est pas vrai. Avant ça, il y a des boutons pressoirs qui rentrent en ligne ouais, de. Ouais, puis tu sais, t'as le fameux Companion Cube que tu peux placer, là, le cube avec le cœur, puis tout ça, là, ces affaires-là. Je sais pas si dans. Il me semble dans le 2, ils font peut-être juste référence. Dans le premier, c'était comme l'élément principal, là, c'était le cube que tu mettais sur les. Genre les pressure plates, là, les ouais. Boutons. C'était comme le Companion Cube, il y avait un cœur dessus, puis il disait, c'était comme ton ami, puis tu le traînais partout, puis à la fin, tu le mets dans un incinérateur, puis c'est super triste. Non, il n'y a pas vraiment ce moment-là, je te dis. Dans Portal 2, je pense qu'ils font référence, mais t'as jamais le Companion Cube en tant que tel. Non, parce qu'il y a des cubes génériques qui se font spawner, ah, c'est ça. Fait qu'il faut trouver un moyen d'aller chercher le bouton pour faire apparaître le cube. Ouais, faut après prendre ça, prendre le cube, l'amener à l'autre bouton. C'est ça. Mais là, c'est ça, on va arriver dans des pièces où il y a trois boutons pressoirs, puis il y a juste deux cubes, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, il y a des lasers qui apparaissent, ouais. Fait qu'on a des cubes avec des lentilles pour rediriger le laser. Mm-hmm. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des plateformes de type trampoline. Oh, ouais. ça en vient assez intense. Puis après ça, on continue à t'en montrer des nouvelles affaires. Ouais. Puis moi, là, j'ai été, comment dire, pas subjugué. Non, OK, on va dire, j'ai été flabbergasté par la variété de toutes les chambres de test. Ouais. Puis disons là, il n'y a pas juste des chambres de test. Là, parce que... Non, t'as une couple de petits environnements de side justement là, qui va donner plus de backstory. Pis de... Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on progresse assez loin dans le jeu au niveau de la narrative, on se trouve à être à l'extérieur des chambres de test dites modernes. Non, ben c'est on se donne à tomber dans ce qui s'apparenterait à être le passé de la compagnie. Le logo de la compagnie ressemble beaucoup plus à je sais pas, au moins une... Tu sais, les vieux t-shirts de Floride que t'achètes des années 70, là. Fait qu'on apprend toute le backstory, justement. Puis on est dans des environnements qui sont tellement vastes et larges et caverneux. On se demande comment est-ce que ça va marcher. Puis donc, il y en a un chemin, tu le trouves. Mm. Mais tout ce que t'as appris te sert là-dedans aussi. Puis c'est tellement le fun. Mais non, c'est ça. C'est juste... dans le fond, c'est un peu le même principe que les chambres de test, sauf que c'est continu. Puis ça donne plus de... Je sais pas, ça met l'histoire plus en valeur. C'est pas juste dire OK, ben c'est une chambre de test parmi tant d'autres. Là. Il y a vraiment, tu vois justement toute l'histoire de la compagnie, ce qui se passait, puis t'apprends des affaires. C'est là que le niveau en apprend beaucoup plus sur l'histoire que la narrative en tant que telle, que les dialogues vont t'en apporter. Tu prends vraiment la peine de te promener puis de voir les documents qui traînent, puis de regarder genre les ordi puis ces affaires-là. Tu te rends compte qu'il y a vraiment comme beaucoup d'histoires qui est comme non dites là. Ouais, ben il y en a beaucoup de dit aussi parce qu'on a une voix acousmatique, puis je le dis parce que j'ai appris ce mot là cette semaine. Sacrifice. C'est-à-dire on se promène dans justement les anciens logos de la compagnie, puis on a tout le temps un personnage qui nous parle par voix off par le biais du système de son à travers l'entreprise qu'on comprend à être le gros boss de la place. Et il nous parle à nous, les nouveaux arrivants dans cette compagnie-là pour faire les tests. Puis on comprend que les tests, les sujets de tests qu'ils ont choisis sont pas les meilleures personnes. C'était des robots sur le bord de la rue, monde qui ont tout perdu, tu sais. Puis on sent véritablement qu'on est, comment dire, complètement expendable. Ouais. On est jetable pour eux autres. Là. On pourrait mourir. On fait tout le temps des références à certaines expérimentations. Puis si jamais tu te réveilles avec un troisième bras, ben c'est pas grave, on va voir ton infirmière. Puis si tu te réveilles pas, ben c'est pas grave. Non, Il y a ce niveau d'humour jaune là que j'ai vraiment aimé dans cette section-là du jeu parce que c'est là où est-ce que les phrases puis les calls les plus cyniques se font. Puis je suis comme, OK, là... On dirait, puis ça aide à m'immerser dans un environnement où tout est supposé vouloir me tuer, puis moi, il faut que je me démerde pour pas me faire tuer. Non, c'est ça. Ça te donne envie de le finir. Mais tu sais, tu parles du boss, puis tout ça qui te parle, mais tu sais, on oublie le personnage le plus important de Portal, qui est GLaDOS. Oui. Qui est le ben, dans le fond, c'est le cerveau central. Ouais, c'est si ça. C'est l'intelligence artificielle de la place. Puis c'était l'ennemi principal dans le premier. Mm-hmm. Puis c'est vraiment un personnage qui te parle tout le temps avec une voix robotique super aiguë. C'est vraiment une voix iconique. Là. T'entends GLaDOS, tu sais que c'est GLaDOS. Les intonations dans les mots sont pas aux places où un humain les mettrait. Non, c'est ça. Puis la candeur avec laquelle GLaDOS te dit des choses du genre « je vais te tuer sans ressentir aucune émotion », là, ça pogne. Non, moi, ça me fait quoi? C'est exactement ça. T'sais. Puis si vous voulez savoir un peu de quoi on parle, vous avez juste à écouter la chanson de la fin de Portal 1 qui est « Still Alive », qui est chantée par GLaDOS à la fin. Puis... c'est exactement ça. Là. C'est le personnage, là, ça résume tout. Là. Ouais. On pourrait penser un petit peu à de l'auto-tuner, si on veut, type de sonorité pour la voix. Là. Ouais, il y a un petit quelque chose d'auto-tune, mais c'est comme si tu mettais un auto-tune à un robot qui est ses speeds. C'est comme... OK. Parce qu'on s'entend qu'avec la voix aiguë de même, il faut que tu fasses du speed. ou que ça fasse comme trois teintes d'hélium que tu sniffes. Là, t'sais. Ben, t'sais, moi, je voyais GLaDOS plus comme une vieille grand-mère qui tricote. Puis il était un petit peu fatigué. Ouais, il y a ça. Mais tu sais, c'est clairement genre, personnage féminin un peu âgé. Là, ça, ouais, c'est ouais. Ben, grand-maman Ginette, là, tu sais. On... ouais, mais grand-maman Ginette, elle a pas essayé de me tuer. Ah, right, c'est vrai. Elle a non, non, là, toi aussi, hein. Ben. Ouais, tu vois, cette fois-là, le Portal Gun, il aurait été bien pratique pour éviter ça. Ouais, je sais bien, mais ça a l'air qu'on avait pas l'argent pour s'en payer un. Non, c'est ça. Combien est-ce qu'ils vendent sur eBay en ce moment, les Portal Gun? Je pense qu'ils peuvent en payer pour 2-3 piastres. Ça vient de Taïwan. Doit être safe. Ah, c'est cool. Combien de batteries? Juste pour on va commander en même temps. Ben, quand on rouvre la boîte, tout est là. Il me semble que c'était 143 batteries de D, me semble. OK. Ça prend un sac à dos finalement là. Ouais, ouais, puis ça dure 15 minutes à peu près. Ok, bah tu, c'est assez pour passer à travers le premier huitième de la première cassette de Braveheart. À peu près. Non, c'est correct ça. Non, c'est un bon deal, c'est un bon deal. Ça a belle allure. Fait que continuons avec les voix justement. On a GLaDOS qui est bien le fun, on a Wheatley qui est charmant et tout ça. Nous, on est un protagoniste silencieux. Comme pas mal tous les jeux de Valve finalement, ouais. Tu sais, Gordon Freeman dans Half-Life qui a pas de voix, pis c'est ça qui fait son personnage, c'est que c'est comme un peu le comment je pourrais dire, ce qui fait qu'il est iconique, c'est qu'il parle jamais. C'est ça. Il dit jamais un mot, tu sais, il vit plein d'affaires fucked up avec des extraterrestres, puis c'est genre super compliqué, puis il dit jamais un mot. Ouais, ouais, c'est ça, c'est autrement dit, c'est toi qui réfléchis là. Mais non, c'est ça, mais en fait, c'est que ça fait que ça laisse le joueur faire sa propre interprétation de ce que le personnage vit. Ouais. Mais ça n'enlève en rien l'histoire qui est racontée par contre. Non, aucunement. C'est juste dans le fond la partie joueur est vraiment laissée à l'interprétation de la personne qui le joue. C'est pas juste le personnage principal qui vit ses affaires, puis toi, t'es juste un spectateur là-dedans. C'est vraiment toi, tu décides d'interpréter ce que tu vis. N'oublions pas qu'on est un personnage féminin aussi. Ça c'est différent. De quelle manière le dire. Là. C'est différent. Ça arrive pas souvent, puis quand ça arrive, c'est toujours le fun. Puis c'est pas un personnage hyper sexualisé ou quoi que ce soit. C'est juste une fille bien normale. Et puis en rien, on fait référence à la féminité du personnage. Mm. Pas comme si... C'est-à-dire, la féminité du personnage n'a aucune incidence sur la narration. Ça aurait pu être un chien, à la limite. Ça change absolument rien. Ouais. C'est pas, ils ont pas genre mis une fille juste parce que c'était une fille, puis on va tout faire en fonction que c'est une fille, puis on va vanter que c'est une fille, puis toujours dire le mot « fille ». C'est pas ça, tu sais. C'est vraiment comme, c'est un personnage, puis ça donne à être une fille, fait que... Mais il y a aussi d'autres personnages, puis on parle de Turret, qui faut le dire, c'est des ennemis dans le jeu. C'est des ennemis qui sont là pour nous contrecarrer, pour nous bloquer le chemin, pour nous empêcher de progresser. Pour nous tuer. Ultimement, nous tuer aussi. Fait que imaginez, imaginez une aubergine sur trois pattes, mais blanc. Tu sais, qui mesure à peu près 4 pieds de haut, là, avec un laser puis des mitraillettes. Fait que finalement, c'est pas une aubergine partout. En forme. Visualise la forme. Ouais, mettons. Enlève le petit cap, là, vert en haut. Ça t'aurait pas juste dire comme un ovale fait sur le long, tu sais. Ben, un ovale, c'est fait sur le long. Ouais, mais tu sais, comme plus sur le long. Plus sur le long. OK. En tout cas, tu sais, pour dire... Ben, moi, j'aimais mon idée d'aubergine, là. Ben, regarde, je vous disais par vous-même. Écoutez, faites-nous votre meilleure interprétation d'aubergine sur trois pattes, puis envoyez-nous ça... Sur Twitter, ouais. Puis tu sais, on va retweeter toutes vos dessins d'aubergines. C'est ça, envoyez-nous des dessins d'aubergines sur trois pattes, on aime ça. Ouais. Avec un laser puis une mitraillette, c'est bien important ça. Ouais, évidemment. On va faire un beau concours, puis celui qui va gagner notre admiration va aussi gagner... notre admiration. Oh, puis une mention peut-être dans le prochain épisode. Ah, ça dépend si on a le temps. Hein, il faut que j'aime l'aubergine. Il faut que ton aubergine soit pas pire. Faut que t'aies une pas pire aubergine. Fait que je regarde le temps, c'est déjà l'heure du... La gorge du milieu. Absolument, fait que je te refais un chin. Ben, chin, certain. Puis je sais pas si toi t'aimes la bière, moi je la trouve pas pire. Ouais, elle est bonne. Juste une bien bonne porter. Une porter que je trouve peut-être, je la trouve moins fumée que d'autres porters que je connais. Ouais. C'est une porter qui a beaucoup plus de rondeur. Oui. Elle est très veloutée aussi. Très veloutée. Et le petit côté de café bien mélangé avec je ne saurais dire quoi d'autre, mais continuons, j'en prends l'autre gorgée. Là. Non, c'est ça, mais en fait, moi je trouve qu'elle est surtout balancée. Il n'y a pas vraiment une saveur qui sort plus qu'une autre. C'est assez égal. Je trouve ça égal. Tu sais, oui, il y a l'amertume qui est quand même assez présente. Là. Oui, ça fait très café. Là. Oui, mais très... en dehors de ça, ça se tient. Je trouve pas ça exceptionnel. C'est bon, là. Mm-hmm. Mais il y a pas un côté, genre une... Je sais pas, il y a pas une saveur qui fait comme « Oh wow, celle-là est vraiment excellente. » Ou je sais pas, c'est comme dur à expliquer pour moi. Comme juste... Ben, elle se tient bien, mais sans plus, c'est pas exceptionnel. T'sais. Comme on le dit si bien dans Apollo à la maison ou Apollo dans ma cuisine, hein, c'est comme un mélange de saveurs. C'est con, mais c'est ça. Puis c'est comme tu dis, c'est bien balancé. Il y a pas. Plus que la gorgée, on la fait rouler dans notre bouche. des fois, on goûte le café, des fois, on goûte le petit fumé, des fois, on goûte le bois, d'où le côté robuste, non, je pourrais ça, pas dire. Je trouve qu'il n'y a pas de côté sucré que certaines porters ont des fois. Je goûte pas des fois le petit caramel, le petit quelque chose là-dedans. Là. Moi, je le détecte un peu, je te dirais. C'est peut-être le restant de chips au sriracha qui est dans le fond de ma langue qui vient... T'aurais dû prendre un cure-dent, comme je t'ai dit, puis t'enlever tous les restants de chips pognés dans tes molaires. Bon, je sais pas, je pensais peut-être juste m'enlever les papilles gustatives, mais ça... Non, mais c'est parce que tu t'as plus de plombage, fait que t'as comme plus épais puis creux dans tes caries empiler des chips. Ah non, c'est fou. Tu l'avais dit, man. En fait, mais l'affaire, c'est que j'ai plus de dents, là. C'est toutes des chips depuis des années. Là. Pour vrai, c'est ça? Des chips stackés en forme de dents. Là, c'est pour ça que t'arrives toujours dans la grange avec 50 livres de patates. Ben, okay. Bon, hein? Un autre mystère. On a la règle des affaires à soir. Même pas besoin d'appeler JA pour ça. Une chance, crime. Il aurait fallu qu'on se tape Denis Lévesque deux semaines après un reportage pour donner un compte rendu, puis non. Ben écoute, ça aurait été mieux que la facture s'en occupe et qu'on passe à tout le monde en parle. Ouais, mais au moins, ça aurait été plus efficace. Ben, je pense, tu sais. La facture ou enquête, là, un des deux. Là, peut-être les deux, parce que ça a quand même fraudé un peu pour payer ses dents patates-là. Fait que, ça... Ah, pour vrai, hein? Ben... Bon, ce sera le sujet d'un prochain épisode. Ben écoute, on veut pas embarquer dans nos plans de dents en patates, mais... Écoute, il y a des patates partout dans le monde, hein? Ah, écoute, puis il y en a qui sont pas taxés dans certains pays. On dit ça de même. Mais revenons à nos turrets. donc, c'est ça, les turrets sont là, et puis ils sont parfois seuls, ils sont parfois en groupe. Ils sont pas nécessairement très amovibles, c'est-à-dire ils sont tout le temps placés en quelque part, mais ils sont tout le temps placés en quelque part pour te wear. Ouais. Fait que quand ils te weighent, ils hésitent pas. Ouais, c'est ça, ils te tirent dessus. Fait que c'est tout le temps de trouver le moyen de les contourner, mais... Ils ont une personnalité, tu sais, ils peuvent... Oui. C'est ça, de la façon qu'ils se promènent, ben, pas vraiment, mais tu sais, qu'ils bougent, puis qu'ils vont réagir à quand ils se font tirer, trucs de même, il y a des petits sons, puis... Il y a des petites voix qui apparaissent une fois de temps en temps. Ah. Je veux dire, oui, c'est ça, ils sont supposés être vivants en soi, mais ils sont... En fait, c'est des clones, carrément. Ils sont faits en série, puis il y a une scène dans le jeu, à un moment donné, où est-ce qu'on... Comment dire, on voit leur fabrication, comment ils sont conçus, comment ils sont traités. Ouais. Ils sont un peu traités comme de la merde. Pas juste un peu, je pense. Ah, peut-être pas mal. Mais fait que toujours est-il que des fois, on doit s'en servir à notre avantage. D'autres fois, il faut carrément les éliminer parce que sinon, ils sont juste là pour nous tuer. Ben, ok. Mais il y a moyen de les éliminer. On peut se servir de notre portal gun. Il n'y a rien qui nous empêche de sacrer un portal en dessous d'eux autres pour les faire tomber dans un vide. Pour le faire tomber sur un autre turret plus loin. C'est comme ça. Comment est-ce qu'on dit ça, là? Un caillou lancé vaut bien deux moineaux que t'as tué. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais, ben c'est parce que j'ai mon petit lexique d'expression d'antan, là. Je pense qu'il était un peu outdated. Puis un peu été écrit par un hobo, là, peut-être. Il date de 1816. Ah, 1816, c'est pas une bonne année, me semble. Ben quand même, c'est une bonne affaires. Année pour les... Ouais, l'affaire, là. Proverbes, puis ces affaires-là. Les adverbes. C'est ça, les adverbes. prends ça, l'office de la langue française. T'en faire, moi, une faire des plaintes. Mais hein. Fait que si c'est pas des choses qui sont là pour nous tuer comme les turrets, il y a des choses qui sont là pour nous aider à progresser. Et là, on va parler des gels parce que quand ça arrive dans le jeu, ça change toute la visibilité qu'on a sur comment est-ce qu'on procède dans une salle de test. Non, c'est ça, parce que tu vas avoir un gel qui te fait bouncer. Oui. Puis t'en as un qui te fait aller plus vite. Oui. Fait que tout dépendant de où est-ce que tu le places, dans le fond, tu vas, admettons, courir dessus, puis ça va te faire aller super vite. Fait que s'il y a un jump au bout de la rampe, ben, tu vas le prendre puis aller... T'as plus d'élan, donc c'est tu ça. Parcours une plus grande distance dans les airs. Exactement. Et la même chose avec celui qui te fait rebondir. Ben, si tu sautes de plus haut dessus, ben, tu vas revoler plus haut, donc... Tu peux tomber de plus haut dans un portail que t'as mis au sol pour ultimement rebondir... Pas rebondir, mais tomber... Vers le plus haut que tu vers peux. Le haut pour atterrir en quelque part. Ouais, parce que ce qui est intéressant avec tout ça, justement, c'est que ça nous fait perdre la notion de haut et de bas. Là. Ah non, c'est ça. C'est plus une question de haut et de bas, c'est une question de par là. Qu'il faut ça, ils ont vraiment bien fait ça parce que de la façon que c'est fait, tu vas mettre les deux portals et tu vas vraiment à travers comme s'il y a vraiment un portal. Là. Oui. C'est pas faké puis tu rentres dedans puis il y a du loading. Non, c'est littéralement, tu passes à travers comme si c'était une porte normale. C'est là. on s'en sert comme miroir, puis on peut facilement se voir nous comme joueurs avec notre portal gun dans les mains, puis on est là. Si tu mets un portail en avant de toi et un en arrière de toi, ben tu te vois. Absolument. Puis si t'en mets un en haut puis un en bas, tout ce que tu fais, c'est tomber à l'infini. Tu peux aller vite, puis tu peux tellement aller vite que tu fais laguer le jeu. Ça, c'est le fun aussi. Ouais, ça, c'est pas pire, ça. Ouais. C'est des mécaniques toutes simples, puis c'est le fun à exploiter, c'est le fun à utiliser. Non, c'est ça, puis ça fait en sorte que... Parce que y a pas beaucoup de jeux qui utilisent la physique dans les puzzles comme ça. Comme Portal l'a fait, il y a eu bien des jeux, des petits jeux flash, des affaires genre d'iPhone, parce qu'ils vont utiliser la physique, tu sais, les Angry Birds de ce monde, ces trucs-là, parce que c'est vraiment des physics-based puzzles. Ouais, Flappy Bird. Genre... Tu sais pour dire. Mettons. Donc c'est ça, puis je pense que Valve ont en fait ça d'une manière pas mal plus intéressante, pas mal plus poussée, tu sais, justement tout ce qui est le côté inertie puis tout ça, c'est de penser ok, ben là si je mets mon gel là puis que je mets mon portal là, ben là je vais aller plus vite dans le portal, fait que quand je vais sortir ça va donner telle autre affaire, fait que là de l'autre bord du portal je vais mettre tel truc pour bouncer pour arriver à l'autre plateforme, puis là c'est vraiment là, une chaîne que tu fais dans ta tête de toutes les mécaniques que tu as appris avant pour réussir de passer du point A au point B. Absolument. C'est vraiment super bien fait. Puis il y a un autre gel qui existe qui est le gel de conversion. Oui. Parce que c'est pas toutes les surfaces dans le jeu qui sont utilisables afin d'y apposer son portal. Non. S'il n'y en a pas, puis tu n'as pas de ce gel-là, too bad. Mais quand le conversion gel apparaît, il faut utiliser ses portals pour pouvoir le redistribuer à travers la pièce et ainsi pouvoir frayer son chemin vers la sortie. Puis des fois, c'est pas évident. Non. Faut savoir, tu sais, c'est ça, c'est comme tu dis, là, il faut regarder à peu près où la sortie. Bon, y a-t-il une place que je pourrais mettre à une affaire là? Mais ça veut-tu dire que je vais être capable de faire projeter le gel qui sort d'une valve rompue qui fait juste laisser s'écouler cette affaire-là avec assez de vélocité pour se rendre à soit ce mur-là ou cette paroi-là. Mais c'est ça. Puis l'affaire, c'est que Portal, c'est toujours... À chaque pièce que tu rentres, t'as vraiment un 2-3 et souvent plus. Là, mais tu sais, au moins un 2-3 minutes, tu fais juste regarder l'environnement puis te dire... Okay, l'analyse. Comment je m'attaque au problème que j'ai devant moi, puis ça va être quoi les solutions possibles. Puis là, c'est de repérer tous les éléments qu'il y a autour qui pourraient nous aider. Fait que il y a vraiment toute une portion. C'est pas juste on fait des puzzles le plus rapidement possible. Non, puis il n'y a pas de timer là-dedans. Là. C'est vraiment tu prends le temps que tu veux. Là. Si ça te prend 3 heures faire une pièce, ben ça te prend 3 heures puis ça finit là. Fait que t'es jamais pressé. C'est vraiment prends le temps d'analyser les trucs. Puis comme je dis, c'est jamais trop difficile. Il y en a qui sont plus frustrants que d'autres. Mais il y en a des fois, ça nécessite une certaine précision dans son saut. On se fait tomber de très haut, puis il faut vraiment arriver selon là, une petite largeur, pas large. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que il joue un peu avec le cerveau des joueurs, parce que des fois, ils vont te faire penser vraiment. Ils vont avoir un temps de souvenir de faire un puzzle qui est hyper complexe. Fait que ton cerveau est déjà en mode genre essayer de trouver une solution complexe, puis tu vas arriver dans la prochaine pièce, puis là tu vas essayer de trouver la solution la plus complexe possible. Finalement, c'est hyper simple. C'est juste là dans ta face. Non, c'est ça, c'est là dans ta face, mais t'es tellement conditionné à penser que ça va être un puzzle complexe que t'es comme wow, ok, je comprends pas comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Finalement, tu finis par catcher, t'es comme ok, ça aurait pris 5 minutes à faire. Ouais, l'élément de déception vient rajouter, je te dirais, une couche supplémentaire d'appréciation dans ce puzzle-là, justement, parce que c'est comme ok, tu m'as trollé, puis tu m'as eu, puis regarde, je l'ai passé, là, mais c'est ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de ce que je viens de faire qui m'a fait prendre plus de temps, puis ben, fuck you pour ça. Exactement. Mais il n'y a aucune... C'est pas comme si on pouvait rage quitter ce jeu-là. Pas vraiment. Il n'y a pas de ça, c'est... Tu le trouves pas, puis il y a juste ta capacité cérébrale qui est ton propre ennemi, je te dirais, ce jeu-là. Bon, parce à part peut-être les turrets, mais sont facilement éliminables. Non, c'est ça. Puis tu sais que si tu réussis pas un puzzle, c'est pas de la faute du jeu, c'est vraiment de ta faute à toi parce que t'as pas été capable, ou t'as pas placé les choses à la bonne place, ou t'as pas réussi à comprendre un puzzle. Mais le level design est fait en sorte que c'est jamais de la faute du niveau. Jamais, jamais, jamais. Ouais. Si tu te plantes en quelque part, c'est parce que t'as pas sauté assez haut, t'as pas mis le portal à la bonne place, t'as pas compris le puzzle, c'est jamais la faute du jeu. Puis c'est ça qui fait que c'est satisfaisant, puis que tu peux pas vraiment rage quitter, c'est que tu sais que c'est de ta faute. Ouais. Comme souvent, ce qui fait rage quitter dans un jeu, c'est que t'es comme le Christy de jeu, il a fait de quoi que genre je m'attendais pas ou peu importe, puis ça marche pas, puis c'est de la boîte, puis c'est un design de merde. C'est ça, tu load, puis il y a comme pas de face, il y a juste des yeux puis un dentier là. Entre autres, tu sais, c'est comme hey, fuck off là, j'ai pas payé 80$ pour ça, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis il y a une partie aussi qui est importante du jeu dont on n'a pas parlé encore, puis je trouve. Moi, j'ai pas essayé, pis toi non plus, mais qui est quand même intéressante, c'est qu'il y a du co-op. Absolument. Un co-op qu'on a pas essayé, comme tu dis. Non, pis... c'est ça, mais je pense que j'ai essayé une fois, mais rapidement. Puis au lieu d'être vraiment le personnage principal de l'histoire, ben là, on est deux robots. C'est Atlas pis... Ah, j'ai oublié c'est quoi l'autre. Mais en tout cas, c'est deux... Puis Shrugged, mettons. Probablement, tu sais. Fait que ça, c'est deux espèces de robots genre qui sortent de chez Aperture Science, pis... font les mêmes genres de voyons, d'exercices, d'expériences que ton personnage principal fait dans la campagne principale. Puis c'est cool. C'est bien fait. J'ai regardé des vidéos du monde qui faisait. Puis t'as beaucoup de stages que tu peux faire. Puis c'est le même principe. Là. C'est juste qu'ils vont vraiment orienter les puzzles de façon à ce que... Il doit y avoir un travail d'équipe. Ouais, c'est ça. Quelqu'un doit faire une action au moment où quelqu'un d'autre en fait une autre. Mettons, il y a un joueur qui est bloqué, ben là, il y en a un autre qui monte en quelque part, qui va peser sur un bouton, qui va le laisser passer, puis lui va pouvoir faire d'autres choses, qui va faire avancer l'autre. Puis tu sais, c'est vraiment toujours du teamwork pour essayer d'arriver à la fin du tableau. Fait que c'est pas juste de dire on recycle les tableaux de la campagne principale, puis après ça. Non, parce qu'il faut absolument refaire le level design pour accommoder deux joueurs, puis garder un niveau de challenge qui soit aussi élevé que l'expérience solo, tu sais. Ouais, fait que ça double dans le fond le travail qu'eux autres ont à mettre dedans parce que c'est tous des nouveaux stages. C'est sûr que on s'entend qu'il y a des puzzles qui vont revenir un peu, là, tu sais. Ça reste quand même le même genre de truc que t'as à faire, mais c'est toujours placé différemment dans la pièce de façon à ce que deux personnes puissent le résoudre. Très intéressant. Ben, écoute. Écoutez, ben, si vous avez joué à Portal 2 en co-op, vu qu'on ne l'a pas fait, s'il vous plaît, parlez-nous de votre expérience. Ouais, avez-vous aimé ça? Puis, tu sais, donnez-nous vos impressions sur le Twitter, le Facebook, le on le dit-tu? Vous regarderez votre Tumblr bientôt. Peut-être genre. Pour les trois personnes qui ont un Tumblr. Ouais, c'est ça. Hein? C'est comme le MySpace de l'Internet à cette heure. Ben, tu sais, ça a l'air que c'est bien populaire de mettre des GIFs. Des GIFs, excuse. Ouais. D-J-I-F. Faut pas GIF. Ouais. Fait que c'est ça. Sinon, il y a une autre mécanique qu'on n'a pas parlé. Il y a des espèces de... C'est quoi, des rayons porteurs, si on veut? Tu tombes dans le tube bleu, là, puis là, C'est littéralement juste une espèce de beam bleu. Exactement, qui va faire en sorte que quand t'embarques dedans, ben, ça va te pousser dans la direction où tu vois les waves aller. Ce qui fait que tu peux utiliser ton portal pour l'acheminer dans une autre direction, au-dessus d'un trou, par exemple. Il y a d'autres places où on va pouvoir inverser le flux, si on veut. Ouais. Puis des fois, il faut utiliser la gravité, donc on le met plus haut, puis on le fait disparaître pour le faire apparaître plus bas pour qu'on puisse atteindre le niveau inférieur qui n'était pas accessible d'ici là. Tu sais, pas facile au début. Non, c'est ça. Mais toujours est-il que jamais trop compliqué à comprendre et à mettre en application et à ultimement résoudre. Ben, c'est ça. Puis Portal, c'est bien dur à expliquer, surtout quand tu viens dans les mécaniques plus intenses. Faut vraiment le vivre, comme le jouer pour apprécier la chose parce que moi, c'est un jeu que, tu sais, quand le premier Portal était sorti, j'étais vraiment, c'est quoi ça? D'où c'est que ça sort? Puis surtout venant de Valve, c'était comme. Pourquoi, tu sais? Genre, Half-Life 2 vient de sortir, puis pourquoi Portal, tu sais, c'est quoi ça? Ouais. Je pense qu'on avait une discussion là-dessus l'autre jour où est-ce qu'on disait c'était clairement un test que deux devs à Valve ont fait, puis ça amenait un jeu complet. C'est souvent ça qui arrive, tu sais. C'est la même chose avec Hearthstone de Blizzard, tu sais. C'est un jeu de cartes qui est sorti d'à peu près de nulle part, puis on décide, on va mettre une petite team dans la compagnie qui vont juste travailler sur un petit jeu de cartes le fun, puis pendant que le reste du monde s'occupe de World of Warcraft, puis de Diablo. StarCraft. Puis finalement, ça a pogné une affaire de fou. Puis c'est comme devenu un super gros jeu. Puis une affaire qui ramène bien de l'argent à Blizzard. Fait que des fois, tu sais, ces petites expériences de même qui font en sorte que ça crée des gros jeux. Puis justement, c'est différent. Puis c'est pas la formule AAA traditionnelle. Puis ce qui est fun avec Portal, c'est que si jamais vous êtes intéressé dans le développement du jeu vidéo, dans le level design, tu sais. Ouais, il y a un éditeur qui vient avec. Tu sais, jouez à ça parce que ça va vraiment vous forger des aptitudes très importantes dans la confection de niveaux qui sont le fun. Oh, ouais. sûr que ça dépend toujours quel genre de niveau vous voulez faire, mais quand même, c'est des bons exemples de bons level design. Ouais, ouais. Si t'es du genre à vouloir faire des niveaux à la, je sais pas moi, Call of Duty, tu sais, comme en ligne droite. Là, ouais, c'est ça, peut-être moins. Peut-être t'sais. Moins. Ben, il y a peut-être un tournant à droite ou à gauche à un moment donné, là. Genre. Ou tu marches, une bombe qui explose, puis là, tu tombes dans l'égout en dessous de la rue. C'est comme le press F to pay respect, là. Ouais, ou bien pèse X pour hacker quelque chose. T'es un hacker, là, vraiment. Ouais, mais je pense que le press F to pay respect, ça, c'était spécial. Ouais, ça tu sais, c'est comme... Je pourrais te faire voir la cinématique tout de suite, mais il faut que tu payes un piton avant. Non, c'est ça, tu sais, faut quand même que tu respectes la personne décédée, tu sais, c'est important. Très important de respecter les morts. Exactement. Ben... Je pense que c'était pas vrai ça. Pas qu'on a fait tout le tour, mais... Mais c'est comme je disais tantôt, c'est à vivre. C'est à le jouer, se faire sa propre opinion. Nous autres, on a bien aimé ça. Ouais. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les dialogues, la narrative est excellente. Oui. Le level design est excellent. Oui. Si vous aimez les puzzles, vous allez triper. Absolument. Si vous aimez pas les puzzles, essayez-le pareil, parce que ça vaut la peine. Je seconde. C'est ça. Fait que avec ça, moi, je dis... Allez-y, essayez-le, faites votre idée. Anyway, il est tout le temps en spécial, pas cher, genre sur Steam, puis je veux dire, ça se trouve facilement sur Xbox pour genre 5$ à la limite. Puis ça mérite amplement sa note parfaite générale qu'on voit sur les internets. Non, c'est sûr. C'est une expérience à vivre. Ah oh, oui, totalement. Ouais. La fin est le fun. Oui. Le boss de la fin est intéressant. Mais ça, faut pas le dire. Puis on a parlé de patates tantôt. Oui. On tient ça là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, ah, hein? Le lien, ouais, t'avais quasiment oublié, hein? Quasiment, ouais. Hein? Ah, là, vous voulez vouloir l'essayer, hein? Il y a une patate dans le jeu. Quinte-toi, chose. Je voulais prendre une minute ou deux afin de parler de peut-être deux autres puzzles qu'on a aimés dans d'autres jeux. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un peu le festival du puzzle, là. Ouais. Fait que, ben moi, j'aurais quasiment pas y penser. Ben, tu vois. Y a-tu un puzzle dans un autre jeu que t'as. Ben, il n'y a pas vraiment un puzzle dans un autre jeu. Je ne suis pas un gars de puzzle ben d'habitude. Ça dépend des jeux. J'ai joué intense à Tetris pendant des années. Ouais, mais c'est pas le même genre de puzzle. Non, mais t'sais. C'est ça. Je ne suis pas le genre de gars qui, d'habitude, qui est attiré par les jeux de puzzle autres que ça. Ouais. Moi, je vais mentionner peut-être Siberia, qui est un point and click. Où est-ce que... ouais, ce jeu-là, là, ouais, t'sais, Fantasmagoria. C'est ça. Là, t'sais, c'est... Va là avant d'avoir fait ta affaire, trouve ça. Il y a un ordre d'action qu'on doit mettre en étape pour pouvoir progresser. J'appellerais pas ça un puzzle à proprement parler, mais ça l'est. Les point and click adventures, c'est souvent des puzzles. Ça l'est dans son cœur, mais c'est un autre dynamique si on veut. Yes, sir. Mais Portal, c'est bien bon. Ouais, on aime ça. C'est pas un plus interactif aussi que ces jeux-là. Oui. Oui, parce qu'on peut justement interagir avec ces personnages-là qui, malgré qu'ils soient des robots, sont très vivants à l'écran. Ils sont pas mal plus humains que tu peux le penser. Ouais, absolument. Ils sont pas mal plus humains que bien des humains dans d'autres jeux, fait que... Hey boy. C'est pas difficile, hein? Non. Fait que tout ça pour dire. Verdict, donc. Verdict. Qu'est-ce qu'on fait avec cette bière et où ce jeu? Moi, je vais être le jeu parce que c'est une expérience qui m'a vraiment marqué. J'ai trouvé ça le fun. C'est pas un jeu qui est super long. Ça se fait en... Écoute, moi, je pense que j'avais fini en 8 heures-ish. Puis, tu sais, j'avais traîné un peu. Là. Ouais, mais t'avais calé malade ce mercredi-là. Non, là, t'avais rien que ça à faire. Mais ouais, c'est des jeux qui se finissent assez vite. Fait que je pense que c'est ça. Une dizaine d'heures, d'habitude, c'est pas mal fini là, si tu traînes pas trop. Puis, tu sais... Mm-hmm. Ça se fait bien. Mais fait si que... tu prends plus de temps, ça veut pas dire que t'es pas intelligent. Non. C'est juste parce que t'es pas concentré. Non, c'est ça. C'est pas mauvais. Puis à la limite, t'es juste spécial, c'est tout. Ça, c'est pas grave. Mais. non, c'est comme ça. Mon oncle Gontran. Ah, mais là, lui, lui, c'est une autre classe à part. Shit. Mais non, c'est ça. Fait que l'expérience m'a vraiment marqué. C'était un 10 heures, mais vraiment intense. Puis j'ai bien aimé ça. La bière est bien, mais elle suscite pas autant d'émotions, je te dirais, tu sais. Elle est bonne en bouche, mais il n'y a rien qui va me faire dire qu'elle est particulièrement spéciale, particulièrement le fun. C'est une bonne porter, elle a un bon goût de café, mais sans plus. Mais en même temps, je pense que c'est une porter facile. C'est une porter que tu pourrais recommander à quelqu'un qui ne boit pas ça normalement, puis il pourrait la prendre, puis il n'y aurait aucun problème à l'apprécier. Ouais. Puis ça a sa valeur pour ça, mais parce que je sais pas, je suis habitué, puis des fois je cherche. Un petit quelque chose de plus. On dirait qu'elle me déçoit un peu, mais en même temps, c'est un bon produit. OK. Non, mais t'sais. Ben écoute, moi, fidèle à moi-même, je vais y aller avec les deux. J'aime la bière en général. Pour une porter, c'est une porter qui, pour moi, me surprend un peu. Justement parce qu'elle diverge des porters traditionnels où est-ce qu'on y va avec un goût fumé beaucoup plus prononcé. Celle-ci, j'irais presque jusqu'à dire que c'est fruité. On revient un petit peu avec mon idée de framboise dans le brou du début. Là. Ouais. Mais ça, c'est juste moi. T'sais, moi, je suis quasiment spécial. Ben, ouais, t'es border spécial. Je suis border spécial. Puis pour ce qui est du jeu, ben c'est ça. J'avais peur. J'ai décidé de prendre un leap of faith comme Kierkegaard en serait si fier de moi. Puis j'ai indulgé dans Portal 2 comme j'ai jamais voulu autant accomplir quelque chose de ma vie. J'ai pas fini mon cégep, mais j'ai fini Portal 2. Ça veut dire beaucoup. Effectivement. Sur ce, on vous remercie beaucoup d'avoir pesé sur Continue. Ben écoute, c'est bien smart de votre part. Puis n'oubliez pas les aubergines. Ouais, on a besoin d'images d'aubergines. Là, puis il y en a parmi vous qu'on le sait qui se sentent déjà interpellés. Là. Poilman! Vous savez qui vous êtes. Écoute, pesez donc sur sauvegarde, puis pause, puis tu sais, faites save, puis on se voit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.